Une histoire de femme, c'est un podcast qui s'inspire de The Boys Club. Un podcast où Mimi donne la parole à des hommes pour qu'ils parlent de leur masculinité. Je vous invite d'ailleurs à aller l'écouter. Mais moi, je voudrais laisser la parole à des femmes d'origine et d'âge différents pour voir leur rapport à leur genre, écouter leur histoire et découvrir différentes façons d'être une femme. Bonne écoute!